parle, laisse à désirer. Le room service va se rattraper. Petit mélange, bail d'alcool au colo. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Sophie Tello Tello. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Sophie Tello Tello. Chambre 209, Sophie Tello Tello. J'ai des doutes, laisse-moi vérifier. Est-ce que ton Instagram dit la vérité? Je ne pense pas. Y'a pas que de l'eau dans ton sirop, sirop. Non, non, non. Tiens-toi bien, t'es pas solo, solo. C'est toi qui sais comment procéder. Comment procéder? Tu leur apprends comment opérer. Il te reste à perdre quelques kilos, kilos. Docteur Owana, lipo, lipo. Des garçons, tu dois te méfier. Tu dois te méfier. Rihanna, visage, tu méfier. Paris, la nuit, c'est pas la colo, colo. Jamais, jamais, jamais. C'est plus un film, Tarantino, Tino. Le mini-bar laisse à désirer. Le room service va se rattraper. Petit mélange, bail d'alcool au colo. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Sophie Tello Tello. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Sophie Tello Tello. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Le premier verre ne te fait pas d'effet. Absolument pas. Dans ta tête, tout est planifié. Depuis bien longtemps. Vernis rouge, Valentino, Tino. Tu connais les bails? Probolide, pas de Clio, Clio. Non, non, non, non. T'enchaînes au coste, petit déjeuner. Ouais, ouais. Y'a plus que ce plat, service voiturier. Tu tiens ta ligne, Coca 00. Hein? T'allumes ta clope, Malboro Poro. Le rond-point des champs, tu fais les yeux fermés. À l'aise. Dans ton sac, que des gros billets. 100, 200, 500. Au feu rouge, 2, 3, négro, négro. T'accélères, 600 chevaux, chevaux. Le mini-bar laisse à désirer. Le room service va se rattraper. Petit mélange, bail d'alcool au colo. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Sophie Tello Tello. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Sophie Tello Tello. Chambre 209, Sophie Tello Tello. Sophie Tello, Tello.